Salut à toutes et à tous. Et oui, comme régulièrement, l'émission change de titre car ce soir c'est un spécial Candidator. Alors, on va se marrer avec à ma droite le pervers pépère Bob du club. Salut les filles. Bravo. Salut. Bravo. Bravo. Merci. Non, je sais plus, la cour est pleine. Et après, il y a le pervers mémère. Maurice. Salut les cousines. On attend son grand retour sur scène. Encore Frédéric Coster. Je peux dévoiler à nos invités le titre de mon prochain spectacle. Ah, en exclusivité alors. En exclusivité. Bien sûr. Ma main dans sa gueule. Oui, oui, bien sûr. C'est l'émission, très drôle. Oui, l'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah, ouais. Et animée par Philippe Pénaud. Ouais, ouais, bravo, bravo, bravo. Alors, cher Frédéric. Par tous. Frédéric, tu as convié avec la collaboration de Doliprane ce soir. Ah oui. Ah bah, juste qu'il faut. Notre ami. Oui. Enfin, ton ami. Ton ami. Non, votre ami. René Marc Gage. Pour la spéciale candidat, on a l'habitude de la spéciale candidator. Ça, hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on fait 4 ans. Ah oui, au moins. Plus même, je crois. Depuis la première année. Alors, t'avais combien de temps que tu fais? Je sais pas, j'étais pas né. Ben voilà, donc depuis le début, tu viens nous voir avec plein d'artistes. Et alors, oui, plein. On rappelle la réputation de René Marc Gage quand même. Oui. Qui pour passer dans le candidator, il faut coucher. Ah. Oui. Et là, vu le nombre d'invités qu'il nous a amenés ce soir. C'est pour ça qu'il est fatigué. Et la qualité. Mais il a la santé quand même. Et la qualité des invités. René Marc, je te laisse présenter le groupe. Parce que c'est un groupe. Oui, qui vient nous voir aujourd'hui. C'est la première fois que je viens avec 5 femmes. Ah. Oui. Et du coup, vous êtes bien emmerdés. Oui. Bah non, pourquoi? Non, pas du tout. Non, comme ça. Pas du tout. Parce que elles ne sont pas humoristes, quoique. Oui. Bah, elles ont l'air assez oui. C'est, hein. c'est pas des sketchs, c'est un psychopathe même. Ah oui, je vous engage à regarder la photo qu'on a prise avant l'émission sur la page Facebook de l'émission. Elles forment un quintet féminin a cappella. Et elle s'appelle les Soulmates. Ah oh, salut les Soulmates. Bonsoir. Alors, pour les repérer, on va donner les prénoms au fur et à mesure. Alors, on va dire bonsoir à Sandrine. Bonsoir. Oh. Bonsoir Linda. Je vais faire mieux. Bonsoir. Oh, oh là là. Bonsoir Marie. Je vais faire mieux. Ouais. Bonsoir. Oh. Là, ça monte. La température monte. Bonsoir Jess. Bonsoir les tatas. Excellent. Bonsoir Anne. Bonsoir. Miracle. Miracle. Bob a une érection. Coupez tout, c'est son portable. Bon, alors les Soulmates, elles viennent grâce à René Marc. Alors on va quand même rappeler, éventuellement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas. Candidator, rappelle-nous un petit peu le principe, ce que c'est René Marc. À la base, c'était une scène ouverte créée par Laurent Violet et moi-même. Tout à fait. Notre regretté Laurent Violet. On y pense à chaque émission. Mais on y pense tous. Bref. Et c'était une scène ouverte pour concurrencer l'émission de Ruquier, les buzzers, etc. C'est-à-dire qu'on était contre l'idée que les artistes se fassent buzzer à la télévision. Donc on a ouvert un espace dans un théâtre parisien, au théâtre des Feux de la Rampe, tous les dimanches soirs, où n'importe quelle personne peut passer sur scène en s'inscrivant au café avant et présenter 6 minutes de tout. Mmh. Voilà. Et tout le monde est accepté. Et puis, suite à ce succès fulgurant, parce qu'on a des soirées mémorables, on est devenu un concours national avec plein de professionnels. Il y a toujours des parrains et des professionnels qui viennent. Et maintenant, on lance les talents, on les produit, ils rencontrent des professionnels. Et ce sont des lancements de carrière. Voilà. Tout à fait. Et puis alors, Candidator n'est pas resté à Paris, hein, puisque Candidator est né effectivement au Feu de la Rampe. Oui, oui, bien sûr. On s'est développé à Lyon. On était au Théâtre du Rideau Rouge depuis 2 ans, au Quai du Rire à Marseille. On est aussi à Lille, à Rennes, à Bordeaux. Enfin, on est au Théâtre Pont-Sabré de Blois maintenant. On nous a proposé aussi Châteauroux dernièrement. On est passé à Autun. On doit passer à Autun, mais on n'y est pas passé finalement. Ah, pas encore. Non, pas encore, mais il est prévu d'aller au Théâtre Municipal d'Autun. Bref, ce sont des soirées exceptionnelles pour recruter des talents de région. D'accord. Mais par contre, Lyon et Marseille sont des soirées régulières. D'accord. Et Paris, toutes les semaines. Et donc, alors, les Soulmates sont venus donc un soir à Candidator candidater, c'est le cas de le dire? Oui, ça fait un an. Oui. Ça fait pile un an. Ouais. Et comme j'ai craqué tout de suite, suite à une vidéo, je regarde jamais les vidéos sur Internet, c'est une vidéo sur Internet qui m'a fait craquer. Ouais. Et complètement par hasard, elle m'avait envoyé un lien, et j'ai cliqué, j'ai vu, et elles ont fait candidateur, et du coup, je leur ai proposé d'animer la soirée des Molières, la parodie des Molières avec moi. Oui. Laquelle de vous nous dit un petit peu comment est née l'aventure des Soulmates? Alors c'est Sandrine a été désignée volontaire. Comment est née cette aventure? Alors l'aventure Soulmates, en fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on chante ensemble. Mais vous étiez bébé. Bah oui. Vous étiez bébé. Oui. Nous faisons très jeunes. Oui. On s'est rencontrés en fait à l'église américaine de Paris. Ah oui. On chantait du gospel, des Negro spirituals et tout ce qui était chant anglo-saxon traditionnel. Ah mais nous on adore le gospel. Ouais. Oui mais c'est plus ce qu'on fait. Ah. Mais tu vas encore préférer ce qu'on fait. Mais je n'en doute pas. Voilà, au bout de 10 ans de formation avec une super chef de chœur, on a décidé de prendre notre envol vers de nouvelles aventures. D'accord. Pour reprendre des chansons qu'on remodèle entièrement. D'accord. De styles et d'époques très variés qui nous tiennent à cœur. Mmh. Et on a eu aussi envie de se défaire de ce côté très statique des chorales où on était une vingtaine avant. Hein. Mmh. Là, on n'est plus que 5, donc. Et donc, on a commencé à travailler avec... La compétition est dure. Elle s'entretue. C'est-à-dire que les 15 autres sont dans la cave de René Marc. Oui, tout à fait. Barbe bleue, quoi. Et alors, un soir, vous vous êtes dit, tiens... On va aller à candidateur. Voilà, on avait commencé à faire un peu un travail de mise en scène. On essaie d'apporter un petit peu d'humour, mais on n'y arrivait pas encore beaucoup. On voulait faire un spectacle musical, en fait, vraiment. Et donc, on cherchait encore un peu. Et on s'est dit, tiens, candidateur, ça a l'air d'être une super scène ouverte. Ouais. Et donc, on a envoyé notre vidéo sans trop y croire, parce que visiblement, il y avait quand même pas mal de monde qui voulait y accéder. Et puis, en fait, retour direct de René Marc qui nous dit « Ah bah c'est super, ça serait chouette que vous veniez. » Et voilà, on y est allé et puis bah, on ne s'est pas quitté en fait. Non, ça fait un an. Un an vachement agréable les filles, je suis très ému de vous voir. On va se marrer. Bon, alors évidemment, on va parler avec toutes, hein. Vous allez toutes nous raconter un petit peu vos... Et puis on va avoir des extraits, vous allez nous chanter les choses en direct, hein, évidemment. Alors, l'habitat d'Udule, c'est pas possible. Hein, mais on va pas leur demander ça. D'accord, t'inquiète pas, on s'en charge. Mais l'émission, vous la connaissez peut-être si vous avez entendu René Marc et puis d'autres invités dans l'émission. L'émission, vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a des jeux, il y a les tournées de blagues, hein, il faudra vous y coller, vous préparez une petite blague pour tout à l'heure. Il y a des épreuves. Cette émission est une épreuve. Wow. Ah, c'est préparé. Et la première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Ah merde. Car oui, vous formez deux équipes. Alors il y a l'équipe de Maurice, Linda, Sandrine et Bob, et l'équipe de Marie, Jess, Anne, René, Marc et Fred. Et donc pour que les auditeurs suivent, il faut donner un petit nom à l'équipe adverse. Ah, est-ce que je crois que Anne, t'avais une idée de nom pour l'équipe adverse? Oui, les bigleux, je trouve que ça leur va bien. Ils ont tous des lunettes. On est face à quatre personnes à lunettes. Femme à lunettes. Bon, alors Linda, vous aviez une idée, je crois, pour l'équipe adverse? Oui. Les gazons maudits. Les gazons maudits. Très bien, bon, on ne demandera pas pourquoi. Ah, je ne me sens pas concerné. Et nous allons commencer la soirée avec une première question. Alors là, c'est la première équipe qui trouve, qui fait marquer le point à son équipe. Alors, à quel endroit? Dans mon cul. Mais non. C'est possible, mais alors là, il faut vraiment qu'il y ait de la place. Hein. Peut-on trouver actuellement plus de 10 000 objets de de 10 cm dans son cul et plus de 200 000 objets de 1 à 10 cm. Donc ça fait quand même beaucoup d'objets. Hein. Il y a un endroit précis. Même à la fustinière, c'est pas possible. Plus de 10 cm, ça rentre pas dans ce... Si, ça y est aussi. C'est que dans cet endroit, il y a plus de 10 000 objets qui font plus de 10 cm. Et il y a plus de 200 000 objets qui font moins de 10 cm. C'est un musée. Non, dans le fond de l'océan. Dans le corps humain. Non. En plus de 10 centimètres. Un endroit. C'est un endroit. Oui. Madame est ambitieuse. Oui. Madame est infirmière. C'est un endroit. C'est non. Une décharge. Une décharge. Dans une pyramide. En Europe. Non. En Asie. Non. Sur la Terre. Non. Ah. Dans la galaxie. Non. Dans le... Dans la, la station spatiale. Non. Non, non, non, non, non, non. En orbite autour de la Terre. Bravo, Bob du Clap. Ouais. Largement aidé par Fred. C'est je vous dis pas c'est... le jour où ça va tomber. Hein. C'est une vraie nouvelle. T'imagines. Il en tombe régulièrement. Hein. Oui, oui. Et il est pas mauvais, sympa, le bigleux, n'empêche. Il pratique plus, mais bon, quand même. Le bigleux en panne, quoi. On va prendre rendez-vous. Avec plaisir. Bon, attention les soulmates, il faut préparer les blagues, car juste après ce... Il est troublé. Il est troublé. On ne parle pas la bouche pleine. C'est la première tournée de blagues. Ouais. Allez, on commence le sommet. Retour dans Basse-Marée, spécial candidateur. Avec une super sélection de notre ami René Marguedge. Ouais. Les soulmates. Les soulmates, ce qui veut dire en anglais les filles qui chantent du soul, non? Les âmes sœurs. Oui, les âmes sœurs. Ah. Ouais. Vous avez fait quoi? Un site internet, une page Facebook, oui, pour qu'on puisse vous les suivre? Les deux. La totale. Ah, alors. Donc le site internet, c'est en fait le plus simple, oui, c'est de taper Quintet Soulmates sur Google et on trouve tout. Notre chaîne YouTube, notre très bien page, référencé, très Facebook, bien référencé. Nos vidéos porno. Évidemment. Ah. Il fallait pas en parler ça, pas tout de suite. Parce que pour trouver Bob du club, il faut aller sur le site de Faites Entrer la accusé. Ah, je me disais bien que j'avais reconnu. Bon, alors là, on va vous solliciter car maintenant, c'est la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et on commence par Maurice. Avec son sponsor. La blague de Maurice avec les montescaliers Stana. Stana, les blagues qui n'arrivent pas. Vous pouvez applaudir, les filles. Il est bien, celui-là. Merci à tous. Allez, vas-y, maman. Mes chers amis. Je pars. Pourquoi, mes chers amis, je vais raconter ma blague tout seul. Ah oui. C'est pas une devinette. Deux gendarmes appellent leur quartier général et demandent à l'officier... Oui. De garde. Ah, de garde. Eh oui. Nous avons un problème ici. Une femme vient d'abattre son mari d'un coup de fusil. Oh là. Oh, merde. Parce que celui-ci a marché sur le carrelage fraîchement lavé. Oh. C'est une blague, Marie. C'est pas l'officier lui répond. Vous avez arrêté la femme? Non. Non, non. C'est pas encore sec. Je dis bien, c'est que. Après, il regarde Fred. Non, c'est dommage. C'est dommage. Elle est que... très bien. Elle est très bien. C'est dommage que ce soit pas filmé parce que le regard de détresse des filles. Et René Marc qui me regarde en train de dire : tu crois qu'il va venir me la faire un candidateur, celle-là ? Ah oui, candidateur, le seul endroit où on peut voir. Ah oui, Maurice exclusivité à un candidateur, ah ouais, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, la blague de Linda. Oh. Bravo. Non. Bravo, c'est magnifique. Fais pas ça à côté de Bob, tu vas le rendre dingue. Ah oui, ah oui, oui. Alors. Oui. Elle est pas longue. Ah oui. Celle de Bob non plus. C'est les meilleures. D'abord, c'est pas la longueur qui compte. Ni le temps, apparemment. Alors, un type drague une fille de trop près et lui dit : je peux lire en toi comme dans un livre. Elle répond : je suis nulle hein, pour raconter des blagues. Vas-y, ne te casse pas, vas-y. Elle répond : on peut mettre le même jingle pour Linda. Oh, y en a d'autres. Bon, je peux lire en toi comme dans un livre. Eh bien, dans ce cas, enlève tes sales pattes. Je suis pas écrite en braille. Eh, pas mal. Elles sont gentilles, tes copines. Alors, Sandrine. Alors, d'habitude, je ne me souviens jamais attends, des blagues. Excuse-moi, excuse-moi Sandrine, je voulais juste dire à Linda, le but, c'est pas de faire pire que Maurice. Quand même. Mais je compatis. Vous croyez que c'est un concours, nous je... Donc, moi, je ne me souviens jamais des blagues. Et là, je me souviens d'une, sans doute parce qu'elle est très courte. Donc, je vais vous raconter celle-ci parce que j'en suis très fière. Que fait un escargot sur le dos d'une tortue? On ne sait pas. Ouais, ouais. On ne sait pas. Non. Tu nous as pété le tympan. Ça va avec, c'est comme ça. Les escargots sont soprane plus hein, plus. Donc tu es un escargot. La blague de Bob. La blague de Bob vous est présentée par les ciseaux coupe tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. C'est pas drôle. D'abord, c'est pas drôle. Alors, c'est un Belge qui visite l'Australie. Ah. Le guide lui explique, dans ce pays, l'animal le plus répandu, c'est le kangourou. C'est un animal qui marche sur la queue. Oh, ben ça, je connais, en Belgique, on appelle ça les morpions. Hein. Coupé. Alors là, j'en ai choisi une pour René Marc. Ah, oh là. Alors, c'est un homme qui croise un copain, Beg, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il dit, alors, mon pauvre, t'es toujours au chômage? Non, on en a pour deux heures. J'ai trouvé du boubou, du boulot. Ah, ben je suis content pour toi, mon chéri. Mais c'est où? Ben au télécom, chez Orange. Ah bon? Mais c'est quoi ton travail? Je suis au renseignement téléphonique. Renseignement téléphonique. Avec ton léger handicap, c'est pas gênant pour ce genre de poste? Non, parce que quand les autres sont occupés, c'est moi qui fais bip, bip, bip, bip. Bravo. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais oui. René Marc est pas bègue. Non, mais je sais qu'il aime ce genre de blague. Ah, bah, c'est un humour que j'aime bien. Voilà. Frédéric. C'est deux crottes, deux caca. Qui sont à la... On a changé d'ambiance. Oui, hein. Oui, ça va être plus pipi caca de l'autre côté. Donc, c'est deux crottes qui sont à la guerre et ils voient une diarrhée qui arrive. Et il dit non, tu peux pas rester là. Ah bon, pourquoi? Parce que la guerre, c'est pour les durs. Et effectivement, Linda est morte de rire. Linda est très bon public. Oui, j'adore ça. René Marc. Alors, c'est un Français qui va pour la première fois aux États-Unis et qui trouve que tout est grand aux États-Unis. C'est hallucinant. Dès qu'il rentre dans un restaurant en plein Texas, et il est déjà à la salle, il dit « Mais qu'est-ce que c'est grand, c'est incroyable !» Il demande un steak, c'est pas un steak qu'on lui amène, c'est la moitié d'un cheval. Il est là devant son assiette, il fait « Mais c'est incroyable comme tout est grand !» Il demande une bière, c'est pas une bière qu'on lui amène, c'est un tonneau. Il dit « Mais c'est incroyable comme tout est grand au Texas !» Tu vois, il va dans le jukebox, c'est même pas un petit jukebox pour mettre de la musique, c'est un truc à trois étages. Il dit « Mais c'est incroyable comme c'est grand !» Tu vois, puis il demande des toilettes pour aller aux toilettes. Alors on lui répond en anglais, il comprend pas très bien, donc il descend les escaliers pour aller aux toilettes. Et au lieu d'aller sur la gauche, il va sur la droite, il tombe dans la piscine. Il fait « Attendez-moi, tirez pas la chasse !» Alors, la blague de Anne. Alors, moi, elle est très courte. Quel est le comble de l'électricien? Je sais pas. Non. De se branler contre un poteau pour avoir du jus. Oh. Et avec une voix douce. Oui. Et avec une voix douce, comme ça. Ça passe, hein. Ça passe. Voilà. Elles ont l'air toutes innocentes, comme ça. Aux mains pleines. Oui, bah, oui. Faut pas se fier aux apparences. Alors, Jess. Oui, moi, elle est mignonne aussi. Ah. Alors, comment un gay enlève-t-il son préservatif? Oh là là. Non, c'est pas, c'est pas. Hein. Il pète. Oh non. Non. Oui, parce qu'un éléphant, ça trompe énormément. Oui. C'est vrai. Bon, je crois qu'il nous reste la blague de Marie. Hein. Oui. Tout à fait. Alors, jusqu'où elle va être très courte également. C'est oui. Un proverbe de chienne. Si ça ne se mange pas, si ça ne se baisse pas, pisse dessus. Bien. Oh la vache. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Tu parles. Je pensais pas. Je suis moi-même choquée. Je suis en train de découvrir certaines facettes de mes. Je crois que c'est le contact avec les gens de l'émission. Ah non. Ah non. Je pense bien. Je le pense bien. C'est France Culture ici. C'est France Culture. Oui, bien sûr. France Q et Tur après. Bon, vous assistez à la première et la dernière émission de radio des Soulmates. Non, je crois qu'après on va vous inviter partout. Le groupe se disloque à la fin de l'émission. Là, ça va pas du tout. tout, Marie. Non, bon. Non, si Patrick Sébastien écoute, il vous prend dans les années bonheur tout de suite. Ouais. Non, non, il vous prend. Oh. Bon, alors, attention les filles. Les soulmates, ça parle de cul, c'est génial. On va marquer une courte, très courte pause. Et après, là, c'est le moment où il faut faire marquer des points à son équipe. Ah ouais. Donc, restez avec nous. On revient avec les soulmates. Retour on va se marrer, spécial ouais candidateur ouais avec les fabuleuses soulmates ouais ouais ouais ouais. Alors, avant de parler avec les soulmates, René Marc, cette année, il y a eu quelques belles découvertes en dehors de la pizza que tu es en train de manger. Plein. Oui, il y a eu comme découverte, il y a eu la Margherita. Oui. La Regina, qui est pas mal. Pas mal, oui. La quatre fromages. Non, je dois vous avouer que au fil des années. Je ne sais pas si c'est la réputation de candidateur qui fait ça. Le niveau s'élève de plus en plus. Et là, nous passons au quart de finale de notre concours. Il y a un niveau, les soulmates peuvent témoigner, puisqu'elles ont gagné les huitièmes de finale dimanche dernier, donc elles ont vu le niveau. Ouais, ouais. Et putain, il y a vraiment du lourd. On était en compétition avec 11 autres artistes qui étaient vraiment très, très talentueux. Ouais. Ouais. Et alors, en fait, c'est majoritairement quand même de l'humour. Hein. La chanson, même dans le cadre de... Oui, même, on a du mime cette année, mais c'est du mime, c'est hommage à Chaplin, Jacques Tati, etc. D'accord, on t'aurais dû le faire venir pour la radio. Oui, c'est vrai que c'est à base d'humour, réellement. J'essaie d'ouvrir à la chanson, mais en fait, c'est le public qui vote au départ, bien qui sûr fait le filtre. Bien sûr. Et la tendance est à l'humour. Bien maintenant, sûr toutes les formes d'humour sont représentées. Il se passe un truc assez exceptionnel. Non, c'est que au départ, j'avais un jury de huitième de finale. Oui. Un autre jury de quart de finale. Et il y a un jury plus important, puisqu'ils sont 16, aux demi-finales et finales. Le jury de huitième de finale ne veut pas partir. Reste au quart de finale qui ne veut pas partir. Et je me retrouve dans une situation où, pour la première fois, j'arrive à garder des professionnels tous les dimanches. C'est-à-dire que c'est assez difficile de demander aux professionnels de se libérer le dimanche soir. Ils ne veulent plus partir parce qu'ils sont sidérés par ce qui se passe et par ce qu'ils découvrent alors qu'ils ont l'habitude. Hein. Ouais, et alors, en dehors des professionnels qui viennent pour le jury, t'as aussi tes copains qui viennent le dimanche. Je sais bien sûr. Olivier de Benoît vient presque tous les dimanches. J'ai un scoop d'ailleurs. Ah ! J'ai un scoop, je peux le vendre. Ah bien sûr. Scoop ! Ça fait longtemps que j'en rêvais, mais c'est fait. Nous ouvrons notre école de l'humour, qui est la première école de l'humour en France. Ah bah oui, c'est effectivement un beau scoop ça. Ouais, qui ouvre le 12 septembre à Paris au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est une école nationale, ça s'appelle EHAS, École de l'Humour et des Arséniques. D'accord. Et Olivier de Benoît est notre parrain officiel de la première promotion. Ah et bah c'est génial la com, la com démarre dans quelques semaines. Mais est-ce que tu vas mettre tes vieilles dentelles alors? Oui, pourquoi? Parce que arsénic et vieille dentelle. Voilà, j'attendais la blague. Si tu veux des calembours et tout ça, si tu veux un professeur de calembours. Alors, les professeurs ont déjà été choisis et c'est bien finalement. Ouais. c'était un beau scoop. Ah non, mais génial. Attends, ça mérite. Félicitations. Alors, les soulmates, alors, est-ce qu'une question comme ça, on va voir, est-ce qu'il y a une leader? Non, bah, là, non. Réponse, non. Non. Non, en fait, on va dire... Alors, c'est Sandrine qui parle. Je suis le contact com, on va dire, mais il n'y a pas de leader dans le groupe. D'accord. Elle n'a pas de sonnerie. Elle est Sandrine. Oh non, non. Attends, sérieusement, sérieusement, on ne l'avait jamais fait. Tu m'attendais. Voilà. Alors les décisions, par exemple pour le choix des chansons, comment ça se passe? Ça se fait à 5. À 5 cerveaux. Chacune amène un petit peu son truc. Exactement. Ouais. Exactement ça. Ça part toujours d'une qui propose un truc, une autre a une autre idée. Enfin, les morceaux, on les construit comme ça, c'est vraiment. Parce que forcément, vous avez tous vos goûts personnels, j'imagine. C'est ça qui fait d'univers un peu différent. Mais et on se complète, on se complète bien finalement. Ouais. Tout à fait. Et parfois, on prend même des chansons qu'on n'aime pas à la base, mais notre arrangement fait qu'on apprécie la chanson. Oui, c'est ton skiff. Je voudrais bien savoir quand même laquelle des cinq a eu l'idée de reprendre Mireille Mathieu. No way. Qu'est-ce qu'il a bu, Frédéric? Je sais pas, il est mauvais. Il est malade. Alors les filles, sachez une chose. Alors on va vous entendre chanter dans la prochaine pause. Là, on vous entend chanter, mais avant cela, là, chaque semaine, je tire au hasard. Ça fait des aussi années que je tire au hasard. Deux cartes dans le boîtier du trivia. Deux cartes. Une carte par équipe. Six questions par carte. Le but du jeu, c'est de répondre à un maximum de questions pour faire marquer un maximum de points à son équipe. Vous avez la possibilité de vous consulter à chaque fois pour donner la réponse. Ou bien là, de ne... un point. Et là, c'est un point si c'est la bonne réponse. Ou bien de ne pas vous consulter si vous êtes sûr de vous. Et dans ces cas-là, Maurice, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cash et on donne la bonne réponse. Faut dire cash. Faut dire cash ouais. Et on donne la bonne réponse. Et là, ça fait marquer deux points. Waouh, waouh. Si vous ne savez pas sur une des questions, mais que vous pensez qu'un de vos contacts téléphoniques a la réponse, on l'appelle, on l'appelle en direct. Et s'il donne la réponse, c'est deux points. Donc on fait toujours choisir Bob, parce que sinon il râle, la carte numéro 1 ou la numéro 2. La 1 ou la 2. C'est vraiment du hasard. C'est grosse responsabilité. La 2, elle a dit. Donc c'est celle-ci, donc je prends la 1 pour l'équipe des Gazons Maudits. Et c'est vous qui êtes menés, René Marc, les Gazons Maudits. Comment ça on est menés 1 à 0. Ils ont répondu. Oh la vache. Ils ont répondu. J'ai jamais perdu à cette même avec la blague de Maurice. Oui, oui. Alors, la blague de Maurice ne compte pas. Alors attention, voici vos questions, les Gazons Maudits. Dans quelle ville japonaise se situe l'action de Madame Butterfly ? Attendez, alors, vous pouvez vous consulter dans les micros. Pour que tout le monde en profite. Dans les micros, les gars. Vous pouvez répéter la question ? Non. Ici, mais je l'ai vu. Tu l'as vu ? Dans quelle ville japonaise se situe l'action de l'opéra Madame, elle est très connue, Madame Butterfly. Kyoto, non ? Non, c'est. Mais attends, il a dit que c'était très connu. Oui, c'est connu. Si c'est pas Okinawa, c'est pas la Garenne Colombe. Ouais. C'est ton équipe, frère. Ouais, moi, je suis blonde, donc. Vous savez pas ? Non. Il y a personne qui sait ? Non. On tente ? Oui. Tentons. Okinawa. Non. Oh. Ouais, ouais. Ouais, la main passe au bigleux. Je pense à Kobe. Oui. Moi, je valide. Vas-y, Bob. Kobe. C'était Nagasaki. Ah. Non, mais j'aime donc bien. Personne. Ah. Oui. J'aime bien Bob qui dit Kobe, Maurice. Oui. C'est ça. Bah oui. Il était sûr que c'était comme... Alors, là, vous allez savoir. C'est sûr que les filles savent. Comment appelle-t-on le petit appendice de chair situé au fond de la gorge ? J'ai eu peur. Le clitoris. Oui. La glotte. Mais non. Alors là, Anne, je crois... C'était le clitoris. Non, Fred est de très mauvais perdant. Dans la bouche. Donc la main passe au bigleux. C'est la lymphe, la... au fond de la gorge. Hey. Oui. On ne fait pas de mime là-bas. Bah oui, non. Attends, un amas de chair. Oui. Non, pas un amas, un petit appendice. Les amygdales. C'est fini, c'est trop tard. Non, c'est pas les amygdales. Non. Mais il n'a pas dit cash. Non, c'est une petite... La luette. Ouais, Maurice. Réponse. Maurice, il est dans la pousse. Luette, gentille à luette. Ça tombe bien, j'adore perdre. Non, là, Fred, je pense que René Marc va trouver tout de suite. Je fais gaffe quand quel dirigeant de l'Union soviétique avait pour surnom le petit père des peuples ? Cash, Staline. C'est lui, alors, c'est pas moi, là. Deux points. Je prends pas de risque. Alors, quelle est la capitale de la Somalie ? Ça, c'est sûr que c'est pas Fred qui peut répondre. Niveau Somalie. Ta gueule, elle va répondre aussi. La capitale de la Somalie. T'as rien à bouffer. Aucune idée. C'est pas en Asie. On va se consulter. C'est pas Mogadiscio. C'est quoi ? C'est pas Mogadiscio. Non, c'est où Mogadiscio ? Non, c'est pas Mogadiscio. Alors, cash ou pas cash ? Cash ou pas cash ? Non, pas cash. Pas cash. Moi, je dis Mogadiscio. Mogadiscio. C'est une bonne réponse. Bravo ! Putain, j'étais persuadé. Merci, Fred. Aucun soutien dans cette équipe, c'est pas possible. Donc, alors, je raye. Anne. Jess. Alors, attention, j'ai quatre propositions pour la prochaine question. Oh là. Quel spiritueux est également... C'est pour Jess. Alors, je vais vous dire. Jess, elle sait. J'ai quatre propositions, mais si je ne vous fais pas les propositions, c'est deux points d'emblée. D'accord. Et quatre si c'est un cash. D'accord. Okay. Quel spiritueux est également connu sous le nom de fée verte ? Vas-y. Cash. L'absinthe. Oui. Quatre ouais points. Ouais. Bravo, Jess. Quatre points. Quatre points. Allez, comment tu la trouves, Jess ? Je réécris, Jess. Anne, t'as du boulot. Elle est vraiment alcoolique. Dernière question. Qui est celui qui, inlassablement, sauve la princesse Zelda dans le jeu vidéo The Legend of Zelda? Ton mec. Bah oui. Et donc, tu peux l'appeler. Là, on peut l'appeler. Ah, on peut l'appeler. On peut l'appeler, ton mec. Top chrono. Un appel. Joker, un ami. Téléphone. Joker, téléphone. C'est là qu'il est avec une gonzesse. Attends, on l'appelle, on l'appelle. Non. Ah, oula, c'est trop là. Salut. Ah, mince. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Bonjour, c'est ma belle-mère. Bonjour, madame. Et ma belle-mère. Annick. Oui. On est en train de faire une radio avec les soulmates. Mais c'est pas elle qu'on voulait avoir. Allô, Annick. Oui. C'est Marie. Oui. On est en train de faire une radio avec les soulmates. D'accord. Et je voulais appeler Régis pour une question de jeu vidéo. Voilà. Mais j'ai appelé sur le fixe. Alors, je ne suis d'aucune aide. Donc, oui, désolé. Tout à fait. On peut toujours essayer. Des bisous. Bah, bisous, bisous. On embrasse Annick. Bisous, bisous. Bisous. Bisous. Bien. Salut. Ciao. Il va répondre. Mais il joue, alors il ne répond pas quand il joue. Ah, voilà. Oh. Ça me dérange pas. Oui, coucou bébé. Salut bébé. Coucou mon amour, on a une question pour toi. Là, on est à la radio avec les soulmates. Alors, vous pouvez me rappeler la question parce que moi, je déconnecte quand c'est une question, de jeu vidéo. Qui est celui qui, inlassablement, sauve la princesse Zelda dans le jeu vidéo The Legend of Zelda ? Link. Bonne réponse ! Merci, Rex ! Merci ! Au passage, j'ai appelé ta mère, je me suis plantée juste avant. Elle a pas su me dire. Bisous, bébé. Et là, on a marqué 15 points d'un coup, là. Vache. On va marquer une très courte pause. Vraiment. Car juste très après, courte, hein, les soulmates vont nous chanter quelque chose, super. Nous faire un petit extrait Philippe, en direct. Oui. Les soulmates, elles vont chanter. À tout de suite. Retour au Basse-Marais, spécial candidateur, avec René Marc Gage qui nous amène une découverte exceptionnelle. Exceptionnelle. Non, vraiment. Hein. Non, mais vraiment exceptionnelle. René Marc, là, on est vraiment content que tu nous aies amené les soulmates cette semaine. Non, c'est vrai. Parce que c'est vrai que d'habitude, on se fait chier avec les gens qui nous amènent. C'est ce que voulait dire Philippe. Oui. Hein. Non, mais là, grâce aux soulmates, c'est important. Nous ne sommes pas que des découvertes comiques ou de... Oui. Tu vois, leur spectacle est très drôle. Il y a plein de moments qui sont très drôles, mais c'est musical, c'est original, c'est je sais pas, c'est du, la comédie. Ça fait du bien un peu, des spectacles pas, de qualité comme ça. Il n'y a pas de stand-up. Voilà. Quoi, tu dans la marre du stand-up. Ah, merde. Voilà. Pardon, non, mais c'est le but de candidateur, c'est de découvrir des talents de tous les styles. Ben donc, oui. Grâce aux soulmates, on montre qu'on n'est pas qu'un repère de comiques. Ben oui. Alors, Jess, comment c'est venu le nom soulmate? Alors, le nom des soulmates, tu t'adresses à la bonne personne. C'est pour faire parler tout le monde, tu vois, parce que... En fait, parce que moi, je suis d'origine irlandaise et c'est un nom anglais, donc anglophone, qui symbolisait un peu ce qu'on était, quoi. On se connaît depuis tellement longtemps et on est des amis, on est plus que des amis. On partage tout. Mais en fait, on n'a même pas besoin de communiquer, on se regarde et on comprend ce qu'on fait. Donc c'était un peu une évidence. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc le nom, il n'y a pas eu de discussion. Âme sœur, c'était évident. Ouais. En fait, on cherchait quelque chose autour du mot soul parce que la musique soul. Enfin, il y avait une question d'âme, de musique. Enfin, c'est un mot qui nous parlait. Et, et puis du coup, soulmate, ouais, en fait, on est des sisters. Pour résumer, pour faire une synthèse, ça sonnait musical. Si, la famille. Marie, tu permets, oui ou non? Pardon, j'interagissais avec Lina. On parle sérieusement. Ah oui, attention. Non, ça résume un côté musical et un côté amitié, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et alors, tout à l'heure, je disais que vous n'écoutez pas forcément la même chose. Alors, par exemple, pour faire le tour de la table, Sandrine, toi, t'écoutes plutôt quoi? Qui? Oh là là, je suis assez éclectique. Non, mais par exemple, dans ton, là, actuellement, dans ton iPad... Ben, ça va de Yael Naïm à des trucs beaucoup plus soul. T'écoutes Glenn Miller? Non. Non. Autour de cette table. Non, mais de la musique non, voilà. après 1940. Oui, non, voilà, ça peut être beaucoup de pop folk aussi. Oui. Voilà. Et Linda? Le jazz. C'est vrai? Ah, bah voilà. Moi, je suis une grande fan d'Ella Fitzgerald. D'accord. C'est bon. Moi, jazz. Alors, on continue avec Marie. Alors, moi, pour tout vous dire... Oui. Mais il n'est pas de honte. Hein, ça, sent le Michel Thor et le Frédéric François. J'aime J'en appelle. J'aime France Gall, j'aime Daniel Balavoine, je ne suis pas née dans mon temps, je crois. Des juges et des lois, ça me fait pas peur. Ouais. C'est mon fils, ma bataille. Voilà, mais j'aime aussi la chanson Aretha Franklin. Enfin, j'aime aussi des bons. Non, mais attends, il n'y a pas de honte à aimer la chanson française. Voilà. Moi, j'adore la chanson française. Merci, merci. Mais oui. Merci oui, de ton soutien. Et notamment France Gall. Voilà. Hein. Jess. Des requins, pareil, super éclectique. Ça peut être du rap, du fado. Mais de la folk, je pense, avant toute chose. Ouais. Et de la Motown, pourquoi pas. Et, alors, et alors, on n'a pas eu les goûts musicaux de Anne. Moi, je suis fan de Michael Jackson. Ah, ah. Ouais. Oui, mais on sent bien que t'es... Ouais. Ouais, oui. T'es you. Et René Marc, toi, t'es fan de qui? Je rejoins un peu Linda. J'écoute énormément de jazz. Par contre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la mort de Claude Nougaro. Ah oui, ah oui, j'ai vu tous ses concerts et tous ses spectacles. Un jazzman français, hein. Ah oui, quelque sorte. Hein. Oui, mais en même temps, c'est lié parce que jazz et Nougaro, ça va ensemble. Quoi. Ouais. Il est temps que vous montiez sur la scène d'On va se marrer pour un petit extrait. Hein. Vous ah avez... ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi pour le premier extrait? Alors, Sia, en fait, c'est une reprise de sa chanson Chandelier. Oui. Voilà. Et oh bah, Sia, on écoute. Alors. Oui. Sia, on va écouter. Bon, alors, d'accord, on retrouve tout de suite les Soulmates en direct sur la scène d'On va se marrer. Oui. Don't get hurt, can feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. And I'm just holding, just holding light. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding, just holding my. Help me, I'm holding light. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Mais attention. Les poils des bras, j'en ai pas beaucoup. Non, il y en a que deux. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui se dresse. Bon. Hey, moi, c'est bien simple, ça me donne envie d'acheter des bougies. Pourquoi ? Chandelier. Bon, c'est pas grave. Oh, oh, oh, oh. Et Maurice, qu'est-ce qu'on a pensé ? C'était magnifique. Tu peux faire la première partie. Ah non, René Marc. N'inflige pas ça au public. Bon, allez, une très très courte pause parce que là, l'équipe des Bigleux, vous avez du retard. Il y a votre carte qui est là. Ouais. Donc, restez avec nous. Il y aura un deuxième extrait tout à l'heure. On revient avec les Soulmates. Ouais. Retourne, on va se marrer. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, hein. Alors René Marc, bien sûr, tout l'été, comme d'habitude, pendant les best-of dont on va se marrer, on va réentendre tous tes invités de la saison. Vous allez nous faire vous allez repasser l'émission pendant l'été. Alors ça veut dire que là, nous sommes au mois d'août, hein, hein, pour la rediff. Hein. Et on espère qu'à la rentrée, on va les entendre, les Soulmates. Il fait un peu froid pour un mois d'août. Oui. Hein. À la rentrée, bah, écoutez, si vous passez un bon moment avec elles, on revient quand vous voulez. Elles ont l'air de s'éclater. Bah écoute, oui. Avec grand plaisir. Et puis si vous nous écoutez, vous qui nous écoutez, directeur de salle un peu partout en Europe. Non, te parle pas maintenant. Si vous voulez contacter les Soulmates pour qu'elles viennent chanter chez vous, mettre le feu, vous contactez René Marc. C'est international. Il se passe un truc entre Maurice et Marie. C'est international, les Soulmates. Super. Mais excuse-moi, il y a Maurice qui est en train de sauter sur Marie. Il y a un problème. Vous lui avez fait fumer quelque chose ? Non, il y a Maurice. Il y a Maurice qui a expliqué quelque chose à l'oreille de Marie. Non, elle a commencé par me toucher le bras du le bout du cou. Oh là là là. Et ensuite, elle a essayé de se pendre avec le fil de son casque. Voilà, c'est notre délire. C'est l'avantage du spectacle des Soulmates, c'est a cappella. Bien sûr. C'est-à-dire que pendant 1h15, il n'y a rien. Oui. Il n'y a que elles avec leur talent, leur charme, leur humour et tout. Oui. Donc, pour exporter, pour aller jouer. C'est partout. Mais c'est un spectacle idéal. Bah alors, attention. Mais dis-moi, Patrick. Oui. Tu sais que les Bigleux ont du retard. Bob, c'est ta carte, c'est ton équipe. Yes. C'est ton moment. Et c'est parti. Qui est l'auteur de la pièce de théâtre « Oh, les beaux jours » ? L'auteur de la pièce « Oh, les beaux jours » ». Bah, je connais pas. Bah oui, nous on sait. Moi, je sais pas. Tu sais ça, alors, Maurice ? Vous avez un joker téléphone, hein, n'oubliez pas. Hein. Je vais appeler Marie. Non. Je suis en silencieux, Linda, je ne te répondrai pas. Non, si vous ne savez pas, vous passez, puis oui, c'est un puis point qui part. Ouais. Nous, on est plusieurs à alors, les gazons maudits. Alors, on est plusieurs à savoir et on va laisser la parole à Marie. Alors, Marie. C'est Beckett. Oui, c'est Beckett. Bonne réponse. Samuel, de son prénom, Samuel. Un Irlandais. On savait pas que c'était lui, mais on connaît Beckett. Voilà. Oui. Quel phénomène astronomique. Ah non, mais je voulais les questions de tout à l'heure. A notamment été relaté par la tapisserie de Bayeux. Ah, ça, tu sais. Oui, oui, oui, oui, c'est la comète. Comète de Halley. Cache, la comète. Laquelle, ouais. Deux points. Ah, oui, ah, avec Bob, il faut lui arracher. Les orbites, ouais, il lui reste deux poils, tu peux aller bien. Mais à cette époque, il y a que celle-là qui voyait. Donc, En quelle année situe-t-on les 100 jours? J'y suis pour rien. C'est... Ah, attention, cache. Cache, attention. Oui. Enfin, c'est pas cash dans 15 jours non plus. C'est 1815. Alors, cash. 1815. Deux points. Ouais, ah non, mais là, bravo. Il commence à faire chier. Mais non, mais Philippe, il venait de passer son bac. Ah oui, c'est vrai. Attention, c'est la fameuse question. Ah, 4 points. 2 points si c'est un cash. 4 points si c'est un cash sans proposition. Je vous pose la question, après vous me disiez. Vous me dites ensuite si vous voulez les propositions ou pas. Quel fleuve traverse la ville de Florence? T'es allée, Sandrine. Mais oui, je sais. Sandrine, t'es allée à Florence? Oui. Alors, si vous savez en cash, cash. C'est Florence qui a traversé Sandrine, bordel. Sinon. Sinon, je vous fais les 4 propositions. Mais les 4 points, c'est plus possible. Par contre, il reste toujours les 2 en cash. Hein. Et il y a l'appel téléphonique. Et il y a aussi l'appel téléphonique. Ton mec, non? Bah ouais. Putain, les mecs, moi je balance sur tous les mecs de tout le monde. Quand t'étais à Florence avec ton mec? Ouais. Ah. Et vous vous souvenez pas comment s'appelait le fleuve? Tu crois qu'ils avaient le temps de regarder le fleuve? Voilà, j'avais un peu autre chose elle à faire. L'appel, il va répondre cunnilingus. elle regardait tous les bijoutiers sur le Ponto Vecchio. Non, bah le choix. Alors, les quatre propositions. Ouais. Alors là, vous pouvez encore faire un cash si vous ne vous consultez pas. Hein. Okay. Quatre propositions. Le pot. Le pot. Non. Oui, le pot. Rome. Oui. C'est l'Adige. Le Tibre. Non. Ou l'Arnaud. Oh. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui s'est permis? Cash, l'Arnaud. Cash, l'Arnaud, 2 points. Bravo. Ah, ouais, bravo. Voilà. L'honneur est sauf. Oui. Elle en a quand même un peu vu la couleur, de ce play. Alors, il vous reste votre joker téléphone. Hein. Oui, oui. Au billard américain, oui. Est-ce la boule jaune? Est-ce la boule noire, la bleue ou la verte qui porte le numéro 1? Ah, le numéro 1. Oh, la vache, la question piège à la con. Numéro 8, tout le monde sait. Ouais. La numéro 1, elle est jaune, elle est noire, elle est bleue ou elle est verte? Cash, jaune. Ouais. 2 points. Bravo. Oh là. Ouais. Ouais. On remonte, on remonte. Alors là... C'est comme dans le top 50, la jaune numéro 1, c'était Chimera. Ça faut être un peu vieux pour se rappeler. Bon. Et là, ils nous ont fait chier, ils nous en ont mis un paquet des là, points. Là, vous l'avez, là. Là, c'est méchant. Je pense que la dernière question va être décisive. Quel film emblématique de la nouvelle vague met en scène la cavale puis la mort d'un jeune voyou trahi par sa compagne? Eh, fais pas de mime, toi. Je t'ai vu. Donc, voilà. Un film de la nouvelle vague. Emblématique, évidemment. Ah. Alors là, si vous avez un fan de cinéma dans vos contacts, je vous rappelle que vous avez quand même votre joker téléphone qui n'a pas été utilisé. Hein. Maurice, tu es là ce soir? Mais il révise ses blagues parce qu'il sait que ça va tomber. Tu sais, Maurice, à part Indiana Jones. C'est la cavale d'un voyou. Je vais appeler joker. C'est la cavale, puis la mort d'un jeune voyou trahi par sa compagne. Oui, j'ai bien une idée, mais j'ai peur de me tromper alors. Alors, appelle ton. Non, mais appelle ton. Nous, on n'a pas d'idée du tout. Donc, oui. Tu as un joker? Oui. Alors, un joker téléphone. On appelle Alain. Ah, on appelle Alain. Ah! Il n'est pas dans une maison de retraite. Pas encore. Ah, pas encore. Bonjour. Il a une grande maison, peut-être. Qui c'est qui m'emmerde à ce temps-là? Allô, Alain? Oui. Oui, salut Alain, c'est Bob. On a une question à laquelle j'ose pas répondre, j'ai peur de me tromper. Écoute bien, écoute Philippe, il va te poser la question. Attention. D'accord. Quel film emblématique de la nouvelle vague met en scène la cavale puis la mort d'un jeune voyou trahi par sa compagne? Ah, mince, c'est un Godard, ça. Oui, mais lequel? C'est la piste que j'avais prise. La quoi? Comment il s'appelle, le Godard, où il y a Belmondo et puis Gene Seberg? Ah oui. À bout de souffle. Bon. À bout de souffle. Wow. Est-ce que tu confirmes la réponse je de confirme, Alain? C'est ça que je voulais dire. Eh bien, Alain, ça nous permet de marquer 2 points. Merci, oui, Alain. Merci Alain. En fait, il faut remercier ma femme. Ah, et comment s'appelle votre charmante épouse? Dominique. Ah, bravo Dominique. Merci Dominique. Tu fais écouter cette chaude ambiance. Ah ben alors attendez, nos invités qui sont un groupe de chanteuses, de jeunes filles qui s'appellent les Soulmates, ont une petite chanson pour votre femme. Allez-y Dominique, les Soulmates. Nique, s'en allait tout simplement aux yeux pauvres et chantants. En tout chemin, tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Bon Dieu. Bravo et merci Alain. De rien, bonne soirée à vous tous. Salut Alain. Merci. Et 2 points Bob. Ouais, super. Donc il avait l'air un petit peu à bout de souffle. Oui, mais là on arrive à la fin des questions. Et heureusement que c'était pas nous parce que nous on allait dire Pierrot le fou. Oui, moi c'est ce que je pensais. J'aurais dit à bout de souffle moi. Alors, bien sûr, il y aura d'autres moyens de marquer des points tout à l'heure. Il y a intérêt. Car pour l'instant, je dois dire une chose, c'est que l'équipe des Bigleux mène. Non. Ça c'est grâce à moi en fait. Alors, les filles, je dois vous dire une chose, c'est que depuis que cette émission existe et que René Marc est invité régulier, il n'a jamais perdu. J'ai jamais perdu, c'est pas possible. Alors, s'il part... C'est notre faute, quoi. Alors, c'est... alors là, je vous dis pas ce que vous allez prendre dans la voiture. Ah ouais, hein. On va prendre. Philippe. Nous voyons Philippe. Si c'était que dans la voiture. Bon, allez, une très courte pause. T'appelles ça la voiture, toi, maintenant. Et vous remontez sur scène pour une petite chanson, c'est d'accord? Ouais. Allez, on retrouve les sales maîtres dans quelques instants. Retour dans Vasse Marée, spécial candidateur. Merci à René-Marc Gage qui nous amène toujours des invités extraordinaires. C'est vrai, grâce à toi, on découvre des talents, mais on se demande comment tu fais. C'est le propre de mon travail depuis 30 ans. Non mais c'est vrai. Non mais on déconne, Bob, arrête de déconner. C'est vrai que René-Marc, depuis 30 ans, t'es un découvreur de talents en fait. C'est mon boulot, oui. Mais c'est une passion, c'est pas un travail. Ah oui, c'est une passion chez toi. Ouais. Ça me prend beaucoup de temps. Bah, j'imagine, oui. Mais c'est une vraie passion. J'ai découvert que je suis fasciné par les autres et puis que j'ai découvert que j'étais sur Terre pour aider les autres et puis voilà. Et alors, ce qui est intéressant, tu nous l'as annoncé ce soir. Non, mais étant, il nous l'a annoncé ce soir, c'est la nouveauté à partir de la rentrée, l'école. Bah, alors, c'est génial. C'est une suite logique. Quand on y réfléchit bien, c'est un vieux rêve que j'avais depuis très longtemps. Puis le succès et l'essor de Candidator, il y a eu d'abord les ateliers que j'ai créés pour aider. C'était d'abord à Versailles, à la Royal Factory. Puis je les ai déplacés au Théâtre des Feux de la Rampe. Et puis de fil en aiguille, avec tout ce qui est en train de se passer, ça devient une évidence. Parce que aussi, je me suis rendu compte que la plupart des humoristes ou la plupart des comédiens qui venaient à Candidator se plaignaient des enseignements à droite et à gauche et que l'enseignement des cours Florent, de l'école du One Man Show, de pas mal de qui fonctionnent, que je respecte, ne sont plus adaptés au courant actuel. C'est clair. Je donne un exemple, puisque nous, on a décidé, par exemple, d'ouvrir l'humour au secteur vidéo. Il existe des artistes aujourd'hui qui peuvent se faire connaître par le web et YouTube sans passer par la scène. C'est vrai. Mais ça s'apprend, ça, d'être drôle, en deux minutes, d'écrire des scénarios, de travailler un personnage. Il n'y a aucune école qui l'enseigne. Il y a des YouTubeurs connus qui se sont fait connaître sur YouTube, mais qui arrivent sur scène maintenant. Oui, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est un métier, c'est pas la même chose. Ah oui, mais c'est... Il y en a un pour qui ça marche, Norman. Mais on ne peut pas vraiment dire que son spectacle soit très réussi. Ah, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas dire. Non. C'est pas des comédiens. Attention, il y a un public et je le respecte, mais ce ne sont pas des comédiens, c'est un métier d'être comédien. Par contre, on a tout à fait le droit de réussir dans l'humour par la vidéo. Excuse-moi, René Marc, tu as un point rouge au milieu du front. Je crois que c'est la production de Norman qui m'a... Et en plus, tu as vu le spectacle. Et René Marc, dans le cadre de ta formation, en plus, tu pourras nous amener donc de jeunes humoristes qui vont apprendre le métier à l'émission, comme ça ils feront leur première radio, ils verront ce que Mais c'est un tout, tu as tout compris. Sûr. C'est comme, est-ce que vous connaissez une seule école en France? Déjà, une école de l'humour, ça n'existait pas, parce que c'est la première. Il n'existait pas d'école de l'humour. Mais est-ce que vous connaissez une école qui permet d'avoir une scène ouverte ou en public, une fois par semaine, si on le désire, on peut présenter son travail? Mais non. Et ben voilà. Mais oui. Et ben voilà. Et ben ça mérite les applaudissements. Je sais pas ce que vous en pensez quand même. Merci. Merci. Merci. Bon salut. Bon, alors. Là, un groupe extraordinaire que tu nous fais découvrir cette semaine, une découverte à toi, hein, vraiment, René Marc, on te doit vraiment cette découverte. C'est arrête de lui passer de la pommade. Bah, non, mais c'est vrai. Attendez. En plus, elles sont belles. Elles sont superbes. En plus, elles assurent. Même à la radio, t'as vu, elles sont drôles. On est parti en France ensemble. Je me suis marré, mais mieux qu'avec Frédéric Koster et les autres. Ah bah ça m'étonne pas. Ça c'est facile. Ça c'est pas difficile. Surtout si tu m'as vu. Elles nous ont préparé un deuxième titre. Lequel? Qu'est-ce que c'est le deuxième titre? Tous les mêmes. Une reprise de Stromae. Stromae par les Soulmates. Ouais. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Vous les hommes, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Macho mais cheap, bande de mauviettes infidèles. Tous les mêmes. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Tous les mêmes. Que tu le mérites, vous avez de la chance qu'on vous aime. Tous les mêmes. Dis-moi merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Pa-pa-da-pa-pa-da-da. Pa-pa-da-pa-da-bam. Pa-pa-da-pa-pa-da-da. Pa-pa-da-pa-da. Tous les mêmes. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel, arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel, arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Papada papada papada papada bam papada papada papada papada. Le chef dit stop. Pardon. Bon. Tous les mêmes et y en a marre. Oh, c'est pas de la merde hein. Ah non. C'est pas de la merde. En direct attends. En direct sans trucage. Alors donc vraiment que Koff. Oui. Quoi ? C'est pas de la merde. La merde. Bon alors les seuls mecs. Maintenant on va appeler ça Acapella. Oui, le Facebook. Alors, le Facebook, c'est Soulmates, tout voilà. simplement. Et le site internet, alors tu nous as été chercher sur Google. Ouais, en fait, pour tout trouver, la page Facebook, le site internet, la chaîne YouTube, il faut marquer Quintet Soulmates. Quintet E-D-T-E, attention. D'accord. Et elles sont modestes parce qu'elles ont été prises par une pub. Ah, oui. Quelle pub ? Ah oui, raconte, c'est à vous. Elles sont modestes. Eh bien, écoute, on a été contactés par la marque Caprice des Dieux pour faire partie d'une campagne de pub web. On a fait 10 vidéos pour eux d'une minute autour de leurs produits en cas de caprice. Et donc, on peut retrouver nos vidéos sur... depuis, ce qui serait le plus simple, c'est d'aller sur notre page Facebook pour avoir tous les liens pour les vidéos. Pubs. Ouais. D'accord. Eh bien, voilà. Écoutez, c'est noté. On vous applaudit encore parce que c'était très, très, très bien. Merci. Vraiment très, très bien. Yes. Vraiment. Bravo. On marque une très courte pause et ensuite j'ai une surprise pour vous faire marquer des points. Ouais. Oh, restez avec nous, on revient avec les Soulmates. Retour dans la soirée. Spécial candidateur avec les Soulmates. On a vu quand même que c'était des filles qui connaissaient bien la musique. Ah oui, c'est oui. vrai. Et donc on s'est dit, comme on en fait un de temps en temps, que ça serait bien que dans cette émission, surtout que Bob adore, on fasse un petit blind test. Excuse-moi, est-ce que t'es obligé de hurler ? Oui, parce que c'est comme ça. C'est pour que j'entende bien. Alors, simplement, suite à une réclamation de Bob, pour ce blind test, nous allons demander à Marie d'avoir la gentillesse de se mettre dans l'équipe des bigleux. Mais non, parce que non. Bob et Maurice ne répondent à rien. Mais je n'ai pas de lunettes. Je ne suis pas une femme menteuse. J'avoue, je porte des lentilles. Alors, le principe de notre blind test... Non, mais tu restes là. Notre blind test est simple, en fait. Comme d'habitude, on envoie un petit extrait. Les 10 premières secondes sont pour l'équipe à qui on a destiné cet extrait. Et au bout de 10 secondes, si l'équipe n'a pas trouvé, l'autre équipe peut donner la réponse. Hein. Alors pour savoir que les 10 secondes sont écoulées, on entend Voilà. Ah, il y a un point pour, un point pour le nom de l'artiste et un point pour le titre. D'accord. Bien. On commence par l'équipe qui est menée, l'équipe des Gazons Maudits, c'est-à-dire l'équipe de René Marc. Pourquoi moi ? C'est mieux. Mon cœur est avec vous. Hein. Voici le premier extrait. On peut trouver maintenant. J'aime pas trop déjà ça, 10 secondes. Ah, on n'écoute pas ce genre de choses. Si tu sais, Jess. Non. Vous pouvez y donner une réponse. Hein. C'est pas mon domaine. Non, mais musical. Est-ce qu'on peut juste écouter Le roux là. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Non, c'est pas Ed Sheeran. Jack Sheeran. C'est pas, tu me regardes. Non. Ouais, je sais c'est pas. C'est James Arthur. Ah, bah oui, bien sûr. Désolé. Le mec qui fait de la télé le vendredi soir sur TF1. Tu connais pas James Arthur. Et le titre, c'est quoi ? Impossible. Ah, bah oui. Impossible. Ah, bah oui, mais si c'était. Impossible. Oui, bon, ça va fermer là. Vous connaissiez ? Non, mais oui. Oh, on l'a fermé là maintenant. Bon, alors le deuxième extrait, cette fois-ci, c'est pour l'équipe On l'a dit. Facile. David Guetta. Ouais. I got a feeling. Non, Black Eyed Peas, I got the feeling. Elles ont dit David Guetta, je suis désolé. Un seul point. Un seul point. Elles ont dit David Guetta. C'est trop facile, elles ont dit David Guetta, ouais. Alors nous passons à l'équipe des Gazons Maudits. Ah. The Promise You Made. Non. Ah ben non, pardon. Mais non, mais ça c'est trop dur. La solitude tranquille. Allez-y, les je sais pas ce que moi c'est. Moi je suis avec vous. Hein. Oui, vous l'avez pas reconnu C'est qui la Tarlouse Ah non, pas du tout. Ah non. Attends, c'est quoi la Ah, c'est Jean-Luc Lahaye. Appelle-moi Brando. Deux points, oui. Ah, merci. Mais vous vous souvenez pas de cette chanson Maintenant qu'elle y arrive là, c'est pas notre. C'est pas votre tasse de thé. C'est Jean-Luc Lahaye ça. C'est Jean-Luc Lahaye. Vous êtes trop vieille. Ouais, c'est ça, exactement. T'es femme Non, c'est bon, appelle-moi Brando. Allez, extrait suivant pour les bigleux. Ah. Ah, parce que quelqu'un qui a une gastro. Vous avez 80, quoi. Et c'est pour nous là ? Oui, ouais, c'est pour tout le monde maintenant. Ah, bien tout le monde. Non, pour nous. C'est donc pour tout le monde. Oui, un point. Ouais. Le titre. C'est pas la peine de taper sur caféine. Oui. Oh, bravo. Tu vas pas dire ça. Tape sur la table comme une folle. Oui, pardon, je suis désolée, j'étais en train de taper sur les tables. Je vous invite à regarder la photo de Frédéric Costet. Parfois, il montait. Il a vu dans quel état ça te met. Et extrait suivant pour les Gazons Maudits. Charles Aznavour vient voir les comédiens. Oui, deux points. Bravo. Je suis pas d'accord, c'est trop facile. Ah non, on écoute un peu. Viens voir les comédiens, voir les magiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien. Bon, alors les bigleux, vous êtes prêts? Yes. Extrait. Comédien. Sabrina, ça? Non, j'en sais rien. Non. Je crois que c'est un garçon. Des années 70. C'est un garçon. Oui. C'est Joy? Joyce, quelque chose comme ça? Wham? Ah, oui. George Michael. Et le titre? George Michael. Non, mais ça, je sais pas, le George Michael. Le titre? C'est sa voix seulement. Full of You. Non. Fred, t'as pas le titre? If. J'attends le refrain. Bon, on va mettre le refrain. Le mec, alors. Il attend le refrain. Bon, voilà le refrain. Attends-moi toujours. Freedom. Enfin, voilà. C'est Fred qui donne la bonne réponse après avoir entendu le refrain. Merci, Fred. Là, cette fois-ci, c'est pour avec les. Plaisir. J'ai mal à la tête, je vais reprendre un cachet. Mais t'aimes bien pourtant ce jeu d'habitude. Oui. Alors là, c'est pour la. C'est pour qui? Ah, les gazons. Les gazons. Oui. C'est là, on est prêts, nous. On est prêts. On est là. Oui. Quoi, tu rigoles, tu vas nous envoyer quoi, là? C'est parti. Moi, j'ai besoin d'amour. Laurie. Besoin d'amour. C'est Laurie. Oui. Et ça a été trouvé par Frédéric Costet, qu'on applaudit. J'ai tous ces disques. disques dans ma poubelle. Hey, elle a fait ses débuts au théâtre, Laurie. Oui, c'est pas mal. C'est une putain de comédienne. C'est pas mal, hein. C'est vrai. À défaut d'être une putain de chanteuse. Bon, allez, un petit extrait pour les bigleux, Bob. Et là, là, c'est vraiment pour toi, Bob. On te choisit un truc. J'aimerais bien que Marie réponde. Je crois qu'il est rentré chez lui, Bob. Bah, mettez-moi du France Gall. C'est parti pour Bob. Les Soulmates sont en concert. Ah non, c'est Glenn Miller, ça. Des applaudissements. On doit reconnaître les applaudissements, là. Ça y est, c'est à nous. C'est Queen. Michael Jackson? Non. C'est non. Dalida. Ah, Dalida, un point. Viens, non. Mais ne viens pas quand je serai seul. Elle va mourir sur scène. Non. Tu crois? Moi je veux mourir sur scène. Sous les projecteurs. Et c'est marrant, vous remarquerez que les chansons de Dalida, on n'arrive pas à les chanter sans prendre l'accent. C'est vrai ce que tu dis. C'est impossible. Bon, allez, un petit extrait pour l'équipe des Gazons Maudits parce qu'ils sont vraiment très bons. Oh. Richard Sanderson, oui. Reality. Et c'est Frédéric Coster largement aidé par. C'est le refrain. Voilà. Combien de fois je m'en suis branlé sur Sophie Marceau. Ah non, alors non. Ça, c'est le genre de détail qu'on veut pas connaître, René Marc, si tu veux qu'on continue de travailler ensemble. Essuyez après ou pas? Mes premiers baisers, c'est sur cette chanson-là. Je vais mettre une réclamation. J'ai roulé des pelles sur cette chanson-là. C'est pas vrai. À ma voisine Patricia, j'avais... Est-ce que t'as son téléphone? C'est le film préféré de Daesh. Est-ce que t'as son téléphone? Ah non, je l'ai perdu de vue. Bon, sinon on l'aurait appelé. Parce que j'ai oublié de dire, je lui ai roulé des pelles, mais elle n'était pas d'accord. Je viens tout de suite. Alors, un dernier extrait pour les bigleux. Ah, ah bah c'est, j'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé. France Gall. Ne dis non. Ça c'est pas. Viens je t'emmène. Viens je t'emmène. Ouais. Ça y est, ça se dresse. Bravo. T'es content, tu l'as eu ta France Gall. Tu pourras revenir. Viens, merci. Je t'emmène. Les rivières vont boire, elles vont se cacher. Viens, je t'emmène. Bah, elles méritent les applaudissements, Bob, quand même. Elles ont bien assuré, hein. Ouais, alors, bravo, alors que nous, toutes les semaines, à Philippe, on chante bien « Je t'emmerde ». On revient avec les Soulmates. Oui, yeah. Retour, on va se marrer avec les Soulmates. Ouais. Alors c'est vrai que tu as raison de me faire remarquer ça, Sandrine, si tous nos auditeurs sont comme Maurice, il faut peut-être épeler Soulmates. Maurice Papon? C'est Soulmates, Soulmates, tout attaché. Tu l'avais écrit comme ça, Maurice? Oui, bien sûr. Ah bah ça nous rassure. Alors, vous allez voir les filles qu'il y en a un dans l'émission qui aime bien la musique aussi. Et la musique moderne. Ah! Ah! Quand même! Merci! Donc c'est le petit quiz musical de fin d'émission, il n'y a pas de points à gagner, c'est juste pour le plaisir. Vous allez entendre 8 extraits de chansons, il faut reconnaître les interprètes, c'est tout simple. Hein. Juste les interprètes, c'est tout simple. Donc vous notez sur vos petits papiers. Il y a une thématique. Oui, la thématique de la semaine, comme vous êtes des petits oiseaux chanteurs, on va dire. Donc on va jouer avec les oiseaux. Ça chante des oiseaux. Voilà, donc vous notez sur vos petits papiers, puis on revient après. Bob, le premier extrait. Le premier reste, je sais c'est pas. C'est le jingle, bon, allez. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pure et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. L'amour c'est toi, l'oiseau c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'amour. parler du petit pélican. On ne sait depuis quand, dans cet air suffocant. Il tape, tape sur son piano. Il tape, tape de beaux mambos. Pourtant ce... Retrouver la femme et le couvert. Toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis, attends-moi comme t'es pressé, dis, t'as rendez-vous, dis, là où tu vas, dis, je vais avec toi. C'était Sacha Distel. Ouais, c'était Sacha Distel. Je mets des vieux exprès pour Bob et il les retrouve pas. Bah, c'est... Ouais, enfin, heureusement qu'il avait 10 chansons modernes. Ouais, merci, moderne, bravo. Moi, j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Bon, alors, fait un tour de table. On fait un tour de table. René Marc, t'en as trouvé, tu penses en avoir trouvé combien? 7. Oh, il te manque lequel? Il manque le 7. Ah, d'accord. Ah, je l'ai pas non plus. Je suis tombé pour elle. C'est pas, c'est pas. Pascal Obispo. Non, non, mais tu nous dis d'abord combien tu en as trouvé. Ah, pardon, moi j'en ai trouvé 6. Bien. Il me manque le 2 et le 4, c'est trop vieux pour moi. Ah, Jess. Le 4. Et moi je sais pas, mais je moi, crois je, l'ai. Je crois 8, mais oh, je suis pas 8. Oh. Wow. Moi, Marie. J'en ai 6 mais sur 10, c'est bizarre. Ah, c'est... Alors, je rappelle aux auditeurs que je suis blonde. Celle-là, on me l'avait jamais faite encore. Ouais. Ouais. Linda. Bah, moi j'en ai noté 8. Voilà. Ah, après je sais pas si. Oui, bah voilà, c'est pareil. Pas mal. Voilà. Alors, et Sandrine, moi j'en ai que 5. Oh. Je Maurice, me décompose. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là, Maurice? Je me décompose. Eh ben, on fait comme le quiz, on le décompose aussi. Priorité aux invités. Ah, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Le premier. Bon, le premier, c'est facile. Oui. Michel Fugain. Voilà. Ah. Alors, je voudrais juste faire une petite précision. Oui. Ce n'est pas Michel Fugain. C'est Fugain et c'est Big Bazar. C'est le Big Bazar. Oui, oui. Oui. C'est Fugain. Je quand suis même. D'accord. Il s'appelait pas Michel Fugain non. à l'époque. D'accord. C'est vrai. Big Bazar. Ah, si. C'est oui, Michel Fugain et le Big Bazar. Je me suis gourée. Madame, c'est Marie Myriam. Mais oui. Ah, oui, bravo Linda. C'est quand même la dernière fois qu'on a gagné à l'Eurovision. C'était il y a presque 30 ans. Ça va faire 40 ans. Nous-mêmes, on a presque 30 ans. Donc forcément, on a un peu de mal à. Balavoine. Marie, Balavoine. Marie. Daniel Balavoine. Mais tu l'as noté, Daniel Balavoine, quand même. Bon. Après, Maurice, t'avais noté quoi? Non, j'avais mis France Gall, moi. Tu vois, moi, à ta place, j'ai rien ça, mis. Maurice. En fait, on devrait d'abord demander les réponses de Maurice. Le prochain, si vous pouvez le laisser pour Bob, c'est... Moi, je sais, hein, okay. Ah non, le 3 non, le attends, 4. Attends, est-ce que les filles avaient trouvé? Non, moi, j'en ai noté un, mais je suis pas sûre. Ah, attends, il y a peu de gestes. Je suis pas sûre du tout. Vas-y. Hein. Bah, vas-y. En fait, j'en sais absolument rien. C'est du pifomètre. Annie Cordy. Mais oui, j'ai mis Annie Cordy également. C'est Annie Cordy, bravo. C'est un contrat que j'ai avec Bob, il faut qu'il y ait... Annie Cordy par semaine. Ah ouais. Ah bah j'ai les bah, franchement je... pourtant j'en écoute jamais. Et alors là le 5 alors le 5 c'est le 5, moi. Le 5. Alors, bah, j'en ai mis un moi. Bah j'ai marqué quelque chose. Ouais. Aussi. Paul j'ai Naref. Marqué Balavoine. Non, c'est Paul Naref. Moi, j'ai mis Paul Naref, moi. Michel Paul Naref. Paul Naref. Moi c'est là que j'ai commencé à décaler là, c'est aussi ce que j'ai mis Paul Naref. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, c'est un clin d'œil à nos amis qui nous écoutent en Guadeloupe. Oui, sur tout à toute fait. La Guadeloupe. Compagnie Créole. C'est la Compagnie Créole. Oui, j'ai bien oui. dit. Obispo. Obispo. J'ai cru qu'elles allaient hurler. J'ai cru qu'elles allaient hurler. C'est Pascal. Sacha qui c'est qui là celui-là? Non, Béco. C'est Gilbert Béco. Béco. Je reconnaissais pas là, oui, mais j'ai copié sur elle. Sacha Distel. C'est du propre. Alors là, je dois dire que les invités cette semaine, Maurice. Et moi, 7 quand même sur 8. Ah, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas toi qui aura les applaudissements, c'est les invités, Maurice. Bravo à nos invités, les Soulmates, et à René Marc qui ont bien assuré. Eh oui. Pas du sort à Nicordi. Oh! Un, comment? Je me suis crevé pour rien, moi. Alors, et les acclamations de Don Salus, ah bah quand même. Alias Frédéric Coster. Monsieur est grand. Don Salus. Don Salus. Monsieur est nul. Je me suis quand même levé à 5h du mat pour faire ça. Alors, Maître Enfoiros vient de m'amener les résultats de l'émission. Ah, c'est l'émission. Alors, on a des points. Attention, ça va chier, là. Alors, attention, les Soulmates, il y a deux solutions. Ah, ou première. L'équipe des Gazons Maudits avec René Marc a gagné et vous allez avoir la paix en rentrant. Donc Marie va moi choisir j'ai le son choix, équipe. Je m'en fiche. Ou l'équipe des Bigleux a remporté. Donc là, c'est Bob qui va être fou de joie. Mais vous en avez rien à foutre parce que c'est pas lui qui va rentrer avec vous, en fait. Hein. Donc je dois dire que l'équipe des Bigleux, Bob, oui. 19 points. Ah, oh, c'est extraordinaire. On a marqué beaucoup de points. Oh, vache. Et René Marc. Ah, putain, je crois pas qu'on ait 19. Les Gazons Maudits. 20 points. Oh, ah, ouais, ouais, je suis Gazon Maudit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. La la la la la la la. Et ce qui est bien, c'est que vous constatez que René Marc Guedj a toujours la victoire modeste. Quoi qu'il aille. C'est je truqué. Suis pas d'accord. C'est truqué cette émission. Voilà, c'est truqué, on est d'accord. Bon, c'est truqué. Oui, oui, parce que quand il envoie les chansons, de l'autre côté, tout de suite il répond. Donc c'est facile. Ah oui. Parce que quand il les envoie nous, nous on répond pas. Ben voilà, ben c'est pour ça que vous perdez. C'est le problème. Bon, alors ça c'est nous permet, normal. Maurice. Si tu contestes, moi je t'envoie les trois gonzesses, tu vas voir. Tu vas pas t'en sortir vivant. Les Maurice, préparez les points. Maurice, la promo. Oui, les sunlight. Comment? Quoi, les quoi? Les, je sais pas. Comment elle s'appelle? Ça fait deux heures que t'es là et tu te souviens pas du nom? Non. Oh là là là là là là, les Alzheimer, ma femme, on faisait pas rien possible. À faire. Mais non. Mais alors, comment tu vas la faire la promo, Maurice? Les Morissettes. Ça se finit pareil. Les soulmates. René Marc fait la promo pour Maurice. Ah oui, allez. Les soulmates. Yes. Wow. Yeah. Coming. Yes. In Théâtre of Fiddler-on. Yes. Pour l'anglais, là, t'es sûr. In Paris. In Paris, yes. Bon, les filles, est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Ouais, oui, super. Bon. Merci. Mais vous dites pas ça pour nous faire plaisir. Non. Vous reviendrez alors. Oui. C'était votre première radio ou pas? Oui. Non. C'est vrai? Oui. Ben, on est super contents parce que nous, on doit vous dire qu'on a passé Bob est content de vous avoir dépucelé, tiens. On a passé un super moment avec vous et ça, c'est vrai. On le dit pas toujours. Et là, c'est vrai qu'on a passé un super moment. Donc, on vous applaudit. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe. Et on est sûr que nos auditeurs aussi ont passé un excellent moment. Je n'en doute pas. Merci encore René Marc. Candidateur tous les dimanches soirs jusqu'au 19 juin. C'est le grand concours national. Finale le 12 juin, best of le 19 juin. Ouais. Bah écoutez les filles, on vous applaudit encore merci. Une fois. Merci, merci. Les Soulmates. Marie, Jess, Anne, Linda et Sandrine. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo. On va se marrer.com, c'est pour les anciennes émissions. La page Facebook, c'est la photo qu'on fait avec les Soulmates et René Marc tout de suite que vous allez retrouver sur la page. Et si vous voulez entendre l'émission, vous allez sur iTunes et vous vous abonnez au podcast. Ouais. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à René Marc.